Livre deuxième, Le Grand Bourgeois. Chapitre 1. 90 ans et 32 dents. Rue Boucherat, rue de Normandie et rue de Saint-Onge, il existe encore quelques anciens habitants qui ont gardé le souvenir d'un bonhomme appelé M. Gillenormand et qui en parlent avec complaisance. Ce bonhomme était vieux quand ils étaient jeunes. Cette silhouette, pour ceux qui regardent mélancoliquement ce vague fourmillement d'ombre qu'on nomme le passé, n'a pas encore tout à fait disparu du labyrinthe des rues voisines du Temple, auquel, sous Louis XIV, on a attaché les noms de toutes les provinces de France, absolument comme on a donné de nos jours, aux rues du nouveau quartier Tivoli, les noms de toutes les capitales d'Europe. Progression, soit dit en passant, où est visible le progrès. Monsieur Gillenormand, lequel était on ne peut plus vivant en 1831, était un de ces hommes devenus curieux à voir uniquement à cause qu'ils ont longtemps vécu et qui sont étranges parce qu'ils ont jadis ressemblé à tout le monde et que maintenant ils ne ressemblent plus à personne. C'était un vieillard particulier et bien véritablement l'homme d'un autre âge, le vrai bourgeois, complet et un peu hautain du XVIIIe siècle, portant sa bonne vieille bourgeoisie de l'air dont les marquis portaient leur marquisat. Il avait dépassé 90 ans. Marchait droit, parlait haut, voyait clair, buvait sec, mangeait, dormait et ronflait. Il avait ses 32 dents. Il ne mettait des lunettes que pour lire. Il était d'humeur amoureuse, mais disait que depuis une dizaine d'années, il avait décidément et tout à fait renoncé aux femmes. « Il ne pouvait plus plaire, disait-il. Il n'ajoutait pas « je suis trop vieux », mais « je suis trop pauvre ». Il disait « si je n'étais pas ruiné, hé hé ». Il ne lui restait en effet qu'un revenu d'environ 15 000 livres. Son rêve était de faire un héritage et d'avoir 100 000 francs de rente pour avoir des maîtresses. Il n'appartenait point, comme on voit, à cette variété malingre d'octogénaires qui, comme M. de Voltaire, ont été mourants toute leur vie. Ce n'était pas une longévité de peau fêlée. Ce vieillard gaillard s'était toujours bien porté. Il était superficiel, rapide, aisément courroucé. Il entrait en tempête à tout propos, le plus souvent à contresens du vrai. Quand on le contredisait, il levait la canne. Il battait les gens, comme au grand siècle. Il avait une fille de 50 ans passée, non mariée, qu'il rossait très fort quand il se mettait en colère, et qu'il eût volontiers fouettée. Elle lui faisait l'effet d'avoir 8 ans. Il souffletait énergiquement ses domestiques et disait « Ah, carogne !» Un de ses jurons était « Par la pantoufloche de la pantouflochade !» Il avait des tranquillités singulières. Il se faisait raser tous les jours par un barbier qui avait été fou et qui le détestait, étant jaloux de M. Gillenormand à cause de sa femme, jolie barbière coquette. M. Gillenormand admirait son propre discernement en toutes choses et se déclarait très sagace. Voici un de ses mots. « J'ai en vérité quelques pénétrations. Je suis de force à dire, quand une puce me pique, de quelle femme elle me vient. » Les mots qu'il prononçait le plus souvent, c'était « l'homme sensible » et « la nature ». Il ne donnait pas à ce dernier mot la grande acception que notre époque lui a rendue, mais il le faisait entrer à sa façon dans ses petites satires du coin du feu. « La nature, disait-il, pour que la civilisation ait un peu de tout, lui donne jusqu'à des spécimens de barbarie amusante. L'Europe a des échantillons de l'Asie et de l'Afrique en petit format. Le chat est un tigre de salon. Le lézard est un crocodile de poche. Les danseuses de l'opéra sont des sauvagesses roses. Elles ne mangent pas les hommes, elles les grugent. Ou bien les magiciennes, elles les changent en huîtres et les avalent. Les Caraïbes ne laissent que les os, elles ne laissent que les cailles. Telles sont nos mœurs. Nous ne dévorons pas, nous rongeons. Nous n'exterminons pas, nous griffons. Chapitre 2. Tel maître, tel logis. Il demeurait au Marais, rue des Filles du Calvaire, numéro 6. La maison était à lui. Cette maison a été démolie et rebâtie depuis, et le chiffre en a probablement été changé dans ces révolutions de numérotage que subissent les rues de Paris. Il occupait un vieil et vaste appartement au premier, entre la rue et des jardins, meublé jusqu'au plafond de grandes tapisseries des Gobelins et de Beauvais, représentant des bergerades. Les sujets des plafonds et des panneaux étaient répétés en petit sur les fauteuils. Il enveloppait son lit d'un vaste paravent à 9 feuilles en laque de coromandel. De longs rideaux diffus pendaient aux croisées et y faisaient de grands plis cassés très magnifiques. Le jardin, immédiatement situé sous ses fenêtres, se rattachait à celle d'entre elles qui faisait l'angle au moyen d'un escalier de 12 ou 15 marches, fort allègrement monté et descendu par ce bonhomme. Outre une bibliothèque contiguë à sa chambre, il avait un boudoir auquel il tenait fort. Réduit galant, tapissé d'une magnifique tenture de paille fleur-de-risée et fleurie, faite sur les galères de Louis XIV, et commandé par M. de Vivonne, assez forçat pour sa maîtresse. M. Gillenormand avait hérité cela d'une farouche grand-tante maternelle, morte centenaire. Il avait eu 2 femmes. Ses manières tenaient le milieu entre l'homme de cour, qu'il n'avait jamais été, et l'homme de robe, qu'il aurait pu être. Il était gai et caressant quand il voulait. Dans sa jeunesse, il avait été de ces hommes qui sont toujours trompés par leurs femmes, jamais par leurs maîtresses, parce qu'ils sont à la fois les plus maussades maris et les plus charmants amants qu'il y ait. Il était connaisseur en peinture. Il avait dans sa chambre un merveilleux portrait d'on ne sait qui, peint par Jordaens, fait à grands coups de brosse, avec des millions de détails, à la façon fouillie et comme au hasard. Le vêtement de M. Gillenormand n'était pas l'habit Louis XV, ni même l'habit Louis XVI. C'était le costume des incroyables du directoire. Il s'était cru tout jeune jusque-là et avait suivi les modes. Son habit était en drap léger, avec de spacieux revers, une longue queue de morue et de larges boutons d'acier. Avec cela, la culotte courte et les souliers à boucles. Il mettait toujours les mains dans ses goussets. Il disait avec autorité « La Révolution française est un tas de chenapans !» Chapitre 3. Luc Esprit. À l'âge de 16 ans, un soir, à l'opéra, il avait eu l'honneur d'être lorgné à la fois par 2 beautés, alors mûres et célèbres, et chantées par Voltaire, la Camargo et la Salée. Pris entre 2 feux, il avait fait une retraite héroïque vers une petite danseuse, fillette appelée Nahenry, qui avait 16 ans, comme lui, obscure comme un chat, et dont il était amoureux. Il abondait en souvenirs, il s'écriait « Qu'elle était jolie, cette Guimard, Guimardini, Guimardinette !» La dernière fois que je l'ai vue à Longchamp, frisée en sentiments soutenus, avec ses « venez-y voir » en turquoise, sa robe couleur de Jean nouvellement arrivé et son manchon d'agitation. Il avait porté dans son adolescence une veste de nain londrin dont il parlait volontiers et avec effusion. « J'étais vêtu comme un turc du Levant levantin, » disait-il. Madame de Boufflet, l'ayant vu par hasard quand il avait 20 ans, l'avait qualifié « un fol charmant ». Il se scandalisait de tous les noms qu'il voyait dans la politique et au pouvoir, les trouvant bas et bourgeois. Il lisait les journaux, les papiers nouvelles, les gazettes, comme il disait, en étouffant des éclats de rire. « Oh, oh !» disait-il, « quels sont ces gens-là ? Corbière, Humann, Casimir Perrier, cela vous est ministre ! Je me figure ceci dans un journal. Monsieur Gillenormand, ministre ! Ah, oh, ce serait farce ! Eh bien, ils sont si bêtes que ça irait !» Il appelait allègrement toute chose par le mot propre ou mal propre et ne se gênait pas devant les femmes. Il disait des grossièretés, des obscénités et des ordures avec je ne sais quoi de tranquille et de peu étonné qui était élégant. C'était le sans-façon de son siècle. Il est à remarquer que le temps des périphrases en vers a été le temps des crudités en prose. Son parrain avait prédit qu'il serait un homme de génie et lui avait donné ses deux prénoms significatifs, Luc, Esprit. Chapitre 4. Aspirant centenaire. Il avait eu des prix en son enfance au collège de Moulins où il était né, et il avait été couronné de la main du duc de Nivernais, qu'il appelait le duc de Nevers. Ni la Convention, ni la mort de Louis XVI, ni Napoléon, ni le retour des Bourbons, rien n'avait pu effacer le souvenir de ce couronnement. Le duc de Nevers était pour lui la grande figure du siècle. « Quel charmant grand seigneur » disait-il, « et qu'il avait bon air avec son cordon bleu !» Aux yeux de M. Gillenormand, Catherine II avait réparé le crime du partage de la Pologne en achetant pour 3 000 roubles le secret de l'élixir d'or à Bétuchef. Là-dessus, il s'animait. « L'élixir d'or » s'écriait-il. La teinture jaune de Bétuchef, les gouttes du général Lamotte. C'était, au XVIIIe siècle, à 1 louis le flacon d'une demi-once, le grand remède aux catastrophes de l'amour, la panacée contre Vénus. Louis XV en envoyait 200 flacons au pape. On l'eût fort exaspéré et mis hors des gonds si on lui dit que l'élixir d'or n'est autre chose que le perchlorure de fer. M. Gillenormand adorait les Bourbons et avait en horreur 1789. Il racontait sans cesse de quelle façon il s'était sauvé dans la terreur et comment il lui avait fallu bien de la gaieté et bien de l'esprit pour ne pas avoir la tête coupée. Si quelque jeune homme s'avisait de faire devant lui l'éloge de la République, il devenait bleu et s'irritait à s'évanouir. Quelquefois, il faisait allusion à son âge de 90 ans et disait « J'espère bien que je ne verrai pas 2 fois 93 ». D'autres fois, il signifiait aux gens qu'il entendait vivre 100 ans. Chapitre 5. Basque et Nicolette. Il avait des théories. En voici une. Quand un homme aime passionnément les femmes, et qu'il a lui-même une femme à lui dont il se soucie peu, laide, revêche, légitime, pleine de droits, juchée sur le code et jalouse au besoin, il n'a qu'une façon de s'en tirer et d'avoir la paix. C'est de laisser à sa femme les cordons de la bourse. Cette abdication le fait libre. La femme s'occupe alors, se passionne au maniement des espèces, s'y vert de grise les doigts, entreprend l'élève des métayers et le dressage des fermiers, convoque les avoués, préside les notaires, harangue les tabellions, visite les robins, suit les procès, rédige les baux, dicte les contrats, se sent souveraine, vend, achète, règle, j'ordonne, promet et compromet, lie et résilie, cède, concède et rétrocède, arrange, dérange, thésaurise, prodigue. Elle fait des sottises, bonheur magistral et personnel, et cela console. Pendant que son mari la dédaigne, elle a la satisfaction de ruiner son mari. Cette théorie, M. Gillenormand se l'était appliquée, et elle était devenue son histoire.

je les irai voir de temps en temps. » Ce qu'il fit. Il avait eu un frère prêtre, lequel avait été 33 ans recteur de l'académie de Poitiers, et était mort à 79 ans. « Je l'ai perdu jeune, » disait-il. Ce frère, dont il est resté peu de souvenirs, était un paisible avare qui, étant prêtre, se croyait obligé de faire l'aumône aux pauvres qu'il rencontrait. Mais il ne leur donnait jamais que des monnerons ou des sous démonétisés, trouvant ainsi moyen d'aller en enfer par le chemin du paradis. Quant à M. Gillenormand aîné, il ne marchandait pas l'aumône et donnait volontiers et noblement. Il était bienveillant, brusque, charitable, et s'il eût été riche, sa pente eût été le magnifique. Il voulait que tout ce qu'il concernait fût fait grandement, même les friponneries. Un jour, dans une succession, ayant été dévalisé par un homme d'affaires d'une manière grossière et visible, il jeta cette exclamation solennelle. « Fi, c'est mal proprement fait. J'ai vraiment honte de ces grivelleries. Tout a dégénéré dans ce siècle, même les coquins. Morbleu, ce n'est pas ainsi qu'on doit voler un homme de ma sorte. Je suis volé comme dans un bois, mais mal volé. Silvae sint consule dignae. » Il avait eu, nous l'avons dit, deux femmes. De la première, une fille qui est restée fille, et de la seconde, une autre fille, morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé, par amour ou hasard, ou autrement, un soldat de fortune qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel à Waterloo. « C'est la honte de ma famille, » disait le vieux bourgeois. Il prenait force tabac et avait une grâce particulière à chiffonner son jabot de dentelle d'un revers de main. Il croyait fort peu en Dieu. Chapitre 7. Règle, ne recevoir personne que le soir. Tel était M. Luc-Esprit Gillenormand, lequel n'avait point perdu ses cheveux, plutôt gris que blanc, et était toujours coiffé en oreilles de chien. En somme, et avec tout cela, vénérable. Il tenait du XVIIIe siècle, frivole et grand. Dans les premières années de la Restauration, M. Gillenormand, qui était encore jeune, il n'avait que 74 ans en 1814, avait habité le faubourg Saint-Germain, rue Servandoni, près Saint-Sulpice. Il ne s'était retiré au Marais qu'en sortant du monde, bien après ses 80 ans sonnés. Et en sortant du monde, il s'était muré dans ses habitudes. La principale, et où il était invariable, c'était de tenir sa porte absolument fermée le jour, et de ne jamais recevoir qui que ce soit, pour quelque affaire que ce fût, que le soir. Il dînait à 5 heures, puis sa porte était ouverte. C'était la mode de son siècle, et il n'en voulait point démordre. « Le jour est canaille, disait-il, et ne mérite qu'un volet fermé. Les gens, comme il faut, allument leur esprit quand le zénith allume ses étoiles. » Et il se barricadait pour tout le monde, fût-ce pour le roi. Vieille élégance de son temps. Chapitre 8. Les deux ne font pas la paire. Quant aux deux filles de M. Gillenormand, nous venons d'en parler, elles étaient nées à 10 ans d'intervalle. Dans leur richesse, elles s'étaient fort peu ressemblées, et par le caractère comme par le visage, avaient été aussi peu sœurs que possible. La cadette était une charmante âme tournée vers tout ce qui est lumière, occupée de fleurs, de vers et de musique, envolée dans des espaces glorieux, enthousiaste, éthérée, fiancée dès l'enfance dans l'idéal à une vague figure héroïque. L'aînée avait aussi sa chimère. Elle voyait dans l'azur un fournisseur, quelque bon gros munitionnaire bien riche, un mari splendidement bête, un million fait homme, ou bien un préfet. Les réceptions de la préfecture, un huissier d'antichambre, chaîne au cou, les bals officiels, les harangues de la mairie, être madame la préfète. Cela tourbillonnait dans son imagination. Les deux sœurs s'égaraient ainsi, chacune dans son rêve, à l'époque où elles étaient jeunes filles. Toutes deux avaient des ailes, l'une comme un ange, l'autre comme une oie. Aucune ambition ne se réalise pleinement, ici-bas du moins. Aucun paradis ne devient terrestre à l'époque où nous sommes. La cadette avait épousé l'homme de ses songes, mais elle était morte. L'aînée ne s'était pas mariée. Au moment où elle fait son entrée dans l'histoire que nous racontons, c'était une vieille vertu, une prude incombustible, un des nez les plus pointus et un des esprits les plus obtus qu'on pût voir. Détail caractéristique, en dehors de la famille étroite, personne n'avait jamais su son petit nom. On l'appelait Mademoiselle Gillenormand l'aînée. En fait de compte, Mademoiselle Gillenormand l'aînée eut rendu des points à une miss. C'était la pudeur poussée au noir. Elle avait un souvenir affreux dans sa vie. Un jour, un homme avait vu sa jarretière. L'âge n'avait fait qu'accroître cette pudeur impitoyable. Sa guimpe n'était jamais assez opaque et ne montait jamais assez haut. Elle multipliait les agrafes et les épingles là où personne ne songeait à regarder. Le propre de la pruderie, c'est de mettre d'autant plus de factionnaires que la forteresse est moins menacée. Pourtant, explique qui pourra ces vieux mystères d'innocence, elle se laissait embrasser sans déplaisir par un officier de lanciers qui était son petit-neveu et qui s'appelait Théodule. En dépit de ce lancier favorisé, l'étiquette « prude » sous laquelle nous l'avons classée lui convenait absolument. Mademoiselle Gillenormand était une espèce d'âme crépusculaire. La pruderie est une demi-vertu et un demi-vice. Elle ajoutait à la pruderie le bigotisme, doublure assortie. Elle était de la confrérie de la Vierge, portait un voile blanc à de certaines fêtes, marmottait des oraisons spéciales, révérait le Saint-Sang, vénérait le Sacré-Cœur, restait des heures en contemplation devant un autel rococo jésuite dans une chapelle fermée au commun des fidèles, et y laissait envoler son âme parmi de petites nuées de marbre et à travers de grands rayons de bois doré. Elle avait une amie de chapelle, vieille vierge comme elle, appelée Mademoiselle Vaubois, absolument hébétée, et près de laquelle Mademoiselle Gillenormand avait le plaisir d'être une aigle. En dehors des Agnus Dei et des Ave Maria, Mademoiselle Vaubois n'avait de lumière que sur les différentes façons de faire les confitures. Mademoiselle Vaubois, parfaite en son genre, était l'hermine de la stupidité, sans une seule tache d'intelligence. Disons-le, en vieillissant, Mademoiselle Gillenormand avait plutôt gagné que perdu. C'était le fait des natures passives. Elle n'avait jamais été méchante, ce qui est une bonté relative. Et puis, les années usent les angles et l'adoucissement de la durée lui était venu. Elle était triste d'une tristesse obscure dont elle n'avait pas elle-même le secret. Il y avait dans toute sa personne la stupeur d'une vie finie qui n'a pas commencé. Elle tenait la maison de son père. Monsieur Gillenormand avait près de lui sa fille, comme on a vu que Monseigneur Bienvenu avait près de lui sa sœur. Ces ménages d'un vieillard et d'une vieille fille ne sont point rares et ont l'aspect toujours touchant de deux faiblesses qui s'appuient l'une sur l'autre. Il y avait en outre dans la maison, outre cette vieille fille et ce vieillard, un enfant, un petit garçon toujours tremblant et muet devant M. Gillenormand. M. Gillenormand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère et quelquefois la canne levée. Ici, monsieur. Maroufle, polisson, approchez. Répondez, drôle. Que je vous voie vaut rien. Etc., etc. Il l'idolâtrait. C'était son petit-fils. Nous retrouverons cet enfant.